Le rassemblement au niveau central pour commémorer le 5e anniversaire du décès du camarade Kim Jong-il, grand dirigeant de notre parti et de notre peuple, s'est tenu solennellement le 17 à Pyongyang, capitale de la Corée. La place du Palais du Soleil de Gongsusan, lieu sacré suprême du Jutsu, endroit du rendez-vous, était envahie de l'atmosphère la plus sublime, alors que les drapeaux en berne étaient arborés au mât. Y ont pris part les membres de l'organisme directeur du comité central du parti à la ville de Pyongyang, les permanents et fonctionnaires des organismes du parti, des forces armées, du pouvoir, des organisations sociales, des ministères et des établissements centraux, les militaires de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, les officiers des établissements, des entreprises, des usines et des fermes coopératives de la ville de Pyongyang, ainsi que les personnes ayant lien et ayant eu l'honneur de rencontrer le général, les méritants et les familles des martyrs révolutionnaires. Y ont figuré également les délégations des combattants d'outre-mer, notamment la délégation des Coréens au Japon pour commémorer les 5 ans du décès du général Kim Jong-il et d'autres compatriotes, ainsi que le représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste. Y ont assisté aussi les représentants diplomatiques de divers pays et des institutions internationales, les membres du corps des attachés militaires en Corée, ainsi que d'autres hôtes étrangers. Le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée, s'est présenté sur la tribune d'honneur. Des cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, comme Kim Yong-nam, Fang Byung-soo, Park Bong-joo et Choi Ryong-hae, Kim Yong-dae, président du Comité central du Parti social-démocrate de Corée, des cadres des organismes du parti et des forces armées, du cabinet ministériel et des organisations des travailleurs, ainsi que des commandants militaires et officiels civils et des méritants exemplaires dans l'accomplissement de la cause pour l'immortalité du leader, l'application des recommandations du général et la campagne de 200 jours, ont pris la place de la tribune d'honneur. Y ont figuré aussi Oh Hyung-jin, conseiller permanent de l'Institut de l'Histoire des Coréens au Japon, Cha Sang-bo, vice-président de l'Association générale des Coréens en Chine, et Yoon Gil-sang, président de l'Association nationale des Coréens aux États-Unis. Cha Tae-bok, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, a proclamé l'ouverture du rassemblement. Tous les participants ont tout d'abord observé un moment de silence avec le plus grand respect à la mémoire de Kim Jong-il, symbole de la grande puissance Paektusan et leader éternel. Le vice-président du comité central du parti, Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée et vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, a prononcé le discours sous thème « Faisons honneur au grand camarade Kim Jong-il comme leader éternel » et anticipons la victoire finale de la révolution Jutsu. Le vice-président du comité central du parti, Kim Gi-nam, membre du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée et du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, a prononcé un discours au nom du Parti du Travail de Corée. Le sous-maréchal Fang Byung-soo, membre de la commission permanente du bureau politique et du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée au nom de l'armée populaire de Corée, et Chun Yong-nam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse kimilsoniste et kimjongniste au nom des jeunes. Les orateurs ont souligné. Le général Kim Jong-il a consacré son âme et son cœur jusqu'au dernier moment de sa vie pour le renforcement de notre parti, la prospérité de la patrie et les assises solides pour le bonheur du peuple afin d'ouvrir un avenir radieux de la révolution Jutsu. Né fils du partisan légendaire dans la forêt vierge du Baekdu, le général a transformé l'armée populaire en puissance infiniment fidèle à la direction du parti et à la révolution Baektusan, dotée du potentiel inépuisable par sa direction de la révolution Joseon-gun originale pendant plus d'un demi-siècle. Le général a avancé de bonne heure l'idée originale sur le parti, l'armée et les jeunes, réalisé la politique privilégiant les jeunes, empreinte de l'amour pour eux durant sa direction de la révolution, en se donnant le meilleur de lui-même pour former les jeunes en continuateurs de la révolution. De son vivant, le dirigeant Kim Jong-il disait toujours que le parti et la patrie existent pour le peuple. C'est avec cet amour le plus sublime qu'il a consacré toute sa vie pour le peuple, tout en réalisant l'idéal en faveur d'une puissance tant aspirée depuis des millénaires par le peuple coréen. Ces exploits accomplis devant le parti, la révolution, la patrie et le peuple brilleront à jamais comme la ligne vitale de notre parti et la bannière militante permettant de parachever l'œuvre révolutionnaire du Tsé. Au terme du rassemblement, ont été tirées les salves en l'honneur du grand dirigeant Kim Jong-il.